sur lui foire. Ok, je pensais pas que ça allait péter si fort. On a stacké les fusées avec les grenades. Le mec a dit ça passe pas, non ça claque. Un caisson a volé, un coéquipier aussi. Mais on a reporté, même les tourelles ont applaudi. Qui brûle. Les voisins sont sortis, raideurs ou pas, ils ont dansé, même sans les bras. Faites tout carnage.